Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. De l'espérance. Explication. L'espérance doit être envisagée en elle-même, ce qui donne lieu à deux questions, sa nature, son sujet. Vient ensuite le don de crainte qui lui correspond. Les vices opposés à l'espérance sont le désespoir, la présomption. Nous étudierons, en dernier lieu, les préceptes qui concernent cette vertu. Question 17. De la nature de l'espérance. Définition de l'espérance, son objet. Comment on peut espérer pour un autre, et si on peut espérer dans l'homme. Que l'espérance est une vertu théologale. Ses rapports avec la foi et avec la charité. 1. L'espérance est-elle une vertu? La vertu étant ce qui donne la bonté à un homme et à ses actions, tous les actes humains correspondent à une vertu, du moment qu'ils sont bons, et ils le sont par la conformité à la mesure qui leur est propre, soit à la raison, leur règle très prochaine, soit à Dieu, leur règle suprême. Telle est l'espérance dont on va parler. L'homme qui espère atteint Dieu même, sur le secours duquel il compte pour obtenir un bien qu'il ne saurait acquérir par ses propres forces. Cette élévation vers Dieu et cette conformité à la règle principale de nos actes produisent un acte bon, et, dès lors, l'espérance est une vertu. 2. La béatitude est-elle l'objet propre de l'espérance? Nous avons, a dit saint Paul, une espérance qui pénètre jusqu'au-dedans du voile, Hébreux 6, 19, c'est-à-dire qui nous élève à la béatitude éternelle. Si l'espérance s'élève à Dieu et s'appuie sur sa grâce pour obtenir le bien que l'on espère, il faut, les effets devant être proportionnés à leur cause, que le bien propre et principal que l'on espère de Dieu soit le bien infini, qui seul est en proportion avec la grâce divine, car le propre d'une puissance infinie est de conduire à un bien infini. La béatitude éternelle, la possession même de Dieu, voilà donc l'objet propre de l'espérance. Les autres biens spirituels ou temporels qui s'y rapportent, et que nous pouvons demander dans nos prières, n'en sont que l'objet secondaire. 3. L'espérance peut-elle avoir pour objet la béatitude d'un autre? L'espérance se rapporte directement aux biens propres à celui qui les espère, et non aux biens d'un autre. Toutefois, si l'on présuppose l'union que la charité établit entre deux personnes, l'une d'elles, pouvant alors espérer quelque chose pour l'autre comme pour elle-même, peut aussi espérer pour cet autre la béatitude éternelle. 4. Nous est-il permis d'espérer dans l'homme? De même qu'il n'est pas permis d'espérer, comme fin principale et dernière, un autre bien que la béatitude, et qu'on ne peut espérer les biens secondaires que par rapport à elle. De même aussi il n'est pas permis d'espérer dans l'homme ou dans quelque autre créature, comme dans la cause principale qui élève à la béatitude. C'est dans ce sens que parlait Jérémie, quand il disait « Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans son semblable ». Jérémie 17, 5. Mais il est permis d'espérer dans l'homme ou dans une autre créature, comme dans un agent secondaire et instrumental qui peut aider à obtenir les biens que l'on rapporte à la béatitude. Les prières des saints, dit saint Grégoire, aident à la prédestination. Nous demandons tous les jours certains secours aux hommes. Jérémie lui-même blâmait ceux dont on ne peut attendre aucun appui. Jérémie 9, 4. 5. L'espérance est-elle une vertu théologale? L'espérance est une vertu théologale, puisque saint Paul la range entre la foi et la charité. Pour voir quelle doit être classée parmi ses vertus, il suffit de considérer qu'elle s'appuie sur le secours de Dieu pour arriver à la béatitude, et que son objet principal est conséquemment Dieu lui-même. 6. L'espérance se distingue-t-elle des autres vertus théologales? On dit qu'une vertu est théologale par là même que Dieu est l'objet auquel elle s'attache. Mais on peut s'attacher à quelqu'un, ou pour lui-même, ou pour arriver par lui à une autre fin. Par la charité, nous nous attachons à Dieu pour lui-même, nous unissant à lui d'un amour affectueux, tandis que, par la foi et par l'espérance, nous nous y attachons comme à un principe d'où nous viennent certains biens. Par la foi, nous nous attachons à lui comme au principe qui nous fait connaître la vérité, croyant fermement tout ce qu'il nous révèle. Par l'espérance, nous nous y attachons comme au principe qui met les hommes en possession d'une bonté parfaite, nous appuyant sur la grâce divine pour obtenir la béatitude. On voit par là que l'espérance se distingue des deux autres vertus théologales. Note. L'espérance nous fait tendre vers Dieu comme vers un bien final à acquérir et vers un auxiliaire qui prête un secours efficace. Fin de la note. 7. L'espérance précède-t-elle la foi? Un homme ne saurait espérer, si l'objet de son espérance ne lui est proposé comme possible. Or c'est la foi qui nous apprend que nous pouvons parvenir à la vie éternelle à l'aide d'un secours divin préparé à cet effet. On connaît cette parole de l'apôtre, « Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Hébreux 11, 6. Il est évident par là que la foi précède l'espérance. 8. La charité est-elle antérieure à l'espérance? Il y a deux ordres, celui de la génération, où l'imparfait précède le parfait, et celui de la perfection, où le parfait naturellement avant l'imparfait. Dans l'ordre de la génération, l'espérance précède la charité. Elle dérive, il est vrai, d'un certain amour, comme on l'a vu dans le traité des passions, mais il y a un amour parfait et un amour imparfait. L'amour que suppose l'espérance est l'amour imparfait, puisque l'homme qui espère a le désir d'obtenir quelque chose pour soi, et que l'amour parfait, qui n'est autre que la charité, s'attache à Dieu pour lui-même. C'est pourquoi l'espérance, dans l'ordre de la génération, est antérieure à la charité, elle en est le commencement, en tant que l'espoir d'être récompensé de Dieu nous excite à l'aimer et à observer sa loi. Dans l'ordre de la perfection, la charité est naturellement antérieure à l'espérance. Aussi, du moment qu'elle survient, l'espérance s'accroît. On espère surtout de ses amis. En ce sens, saint Ambroise a pu dire que l'espérance vient de la charité. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.